Salut tout le monde. Salut. Alors, quoi de neuf depuis la première? De bons retours dans l'ensemble. Attendez les gars, vous déconnez là? Quoi? Attendez, y'a que moi qui ai remarqué? Hein? On a 120 vues les gars, 120 vues, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Que t'es capable d'étirer une syllabe à l'infini. Mais non les gars, on est des stars, wouh. Mec, tu t'appelles Thibaut, c'est ça? Ouais, pourquoi? Bah écoute, je sais pas où on est tombé, mais moi j'ai le plan des locaux dessiné sur mon gobelet. Si on se la joue Metal Gear Solid, on peut être dehors dans 2 minutes. Mais attends, il nous regarde. C'est bon, Benoît, calme-toi, on a compris. Mec, c'est Thibaut, bienvenue dans l'équipe. J'espère que tout le monde est à l'aise. Raph, t'as bien attaché ta ceinture? Comme d'hab. Alors c'est parti pour la deuxième des allumés. Bonjour, bonjour tout le monde, les geeks et les autres, vous écoutez la deuxième émission des allumés. À l'heure où la remplaçante de la Wii U est dans les bacs et s'en va voir son petit succès, on a été mauvaise langue, et où les films de super-héros deviennent transcendants, ce n'est pas pour nous déplaire, on peut se dire qu'on a vraiment eu chaud. Avec moi, vous commencez à le connaître et il n'a pas bougé, à Raph. Ça va Raph? Ça va, et j'espère que vous aussi ça va, on est plein à craquer au studio, il y a du monde à présenter, alors on y va directement. Avec nous aujourd'hui pour nous accompagner, on a Max qui est là pour nous parler de... De jeux vidéo, déjà, de jeux vidéo principalement, et re-de jeux vidéo, voilà. Ok, merci beaucoup. Non, en fait je vais parler de Remember Me et de l'actu gaming cette semaine. Ça marche, donc voilà qui est fait pour le côté gaming, et pour le côté ciné on accueille Thibaut, donc de quel film tu vas nous parler? Je vais vous parler d'un super film de super-héros, qui est peut-être le meilleur film de super-héros de tous les temps, Toxic Avenger. Et tu nous diras pourquoi tu as choisi ce film tout à l'heure. Parce que et... c'est le meilleur. Merci Thibaut. Parle plus fort dans ton micro. On va pas mal vanner sur leur nom. Désolé d'avance, mais il fallait s'y attendre avec nous. Ils font du bon vieux rock des familles et ils ont un son bien à eux. Ils sont deux à être venus nous voir, mais qui sont-ils? Alors je suis Adrien. Moi c'est Thibaut. Et nous sommes les Nurses. Cette émission c'est du lourd, du très lourd on dirait. Les allumés. Alors messieurs, qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous venus nous voir? Alors pourquoi? Parce que vous nous avez invités déjà, donc il me semble que c'est plutôt une bonne raison. Alors on est les Nurses, on a un groupe de rock stéphanois, enfin on vient surtout de Saint-Chamond, mais on est 5, donc on a qui dans l'équipe déjà? On a moi Thibaut le chanteur, Adrien qui est à ma droite le bassiste, on a aussi deux guitaristes et un batteur, donc formation classique de rock'n'roll. On qui a commencé sont, tous les deux, il n'y a pas de l'hôpital en ce moment. Il n'y a pas de clavecin, non. Du coup, on a commencé la musique tous les deux avec Adrien quand on avait 14-15 ans. On a commencé à faire du rock avec les musiques qu'on écoutait quand on était au collège. Comme Il y avait les Arctic Monkeys, il y avait Jack White, que vous connaissez peut-être, les Queens of the Stone Age, les Strokes. On baignait un peu là-dedans, quoi. Ça fait partie de nos influences, mais la grosse influence de notre son, c'est les Arctic Monkeys. Et alors, pourquoi ce nom? Alors, c'était la question qu'on redoutait un petit peu parce qu'on a la version romancée, puis la vraie version. Ah, je veux laquelle? Je veux les deux. Alors, la version romancée, c'est que comme les Queens of the Stone Age, ils prennent un peu le contre-pied de l'idée du rock viril avec des mecs musclés badass avec le cuir en prenant une image plutôt féminine, donc les infirmières en l'occurrence, mais ça reste rock'n'roll parce que sexy. Et la vraie version, comment dire? Bah on était dans un bar à synthé, on a vu ça écrit sur une porte au blanc dégueulasse et on a trouvé ça cool, du coup on a gardé. Ça c'était la version vraie ou fausse? Ça c'était la version vraie. Là, alors la fausse c'était quoi? C'était la première du coup. Yann n'écoutait pas. Ah, la délation, c'est censé être les Allemands, non? Et le choix de faire du rock, ça vient d'où? Johnny Hallyday. C'est ça, c'est principalement Johnny qui nous a mené sur cette voie. Non, plus sérieusement, on baigne dedans en fait depuis qu'on a vraiment découvert un peu la musique qui sortait un peu des sentiers battus, ce qu'on n'entendait pas forcément à la radio. Finalement, c'était surtout du rock qu'on écoutait. Bon, on a commencé avec des groupes genre Blink 182, on n'en est pas forcément fiers, mais. Oh, Sum 41. Et Sum 41. On a tous commencé bizarrement. Hein. Voilà. Mais après, voilà, on a comme créé un rhizome de ce genre-là, et il n'y a vraiment que ça qui nous fait kiffer quoi, sur scène. En tout cas, j'espère que vous aimez le gaming, parce qu'on va commencer très très fort, on a de l'actu chaud bouillante ce mois-ci. Alors, c'est le tour de Max pour son journal du gaming. Le journal du gaming. Ah oui, on peut dire que je m'y attendais pas tellement. Alors, Maxime, c'est quoi l'actu gaming de cette semaine? Bon, on peut le dire, hein, quand même. 2017, c'est une année de fou pour le jeu vidéo. Alors déjà avec Zelda Breath of the Wild, qui est juste une tuerie, Mass Effect Andromeda, Nier Automata, Horizon Zero Dawn et Persona 5, et d'autres. Il y a quand même vraiment du lourd hein, cette année. En tout cas, depuis 2 semaines que la Nintendo Switch est sortie, il est quand même temps de faire un petit point. Et pour ça, nous avons questionné un vendeur de Gamecash à Saint-Etienne, qui est bien placé pour nous parler du line-up. Alors, moi, je trouve le côté positif d'avoir fait un line-up qui n'est pas forcément conséquent, important, c'est que Nintendo va distiller tout au long de l'année les nouveautés. On le sait, puisque bon, le lancement avec Zelda, déjà, c'est pas mal. On va avoir au mois d'avril Mario Kart. On va avoir cet été Splatoon 2 qui arrive. On va avoir aussi, on a vu dans les bandes annonces, d'ailleurs, du Xenoblade, la suite de Xenoblade. Puis après, on sait aussi, il y a pas mal d'annonces qui ont été faites sur les jeux éditeurs tiers. Et donc, ça s'annonce plutôt très bien, sachant qu'on se rend compte qu'il y a un retour des éditeurs tiers qui finalement boudait vachement la Wii U. Donc là, a priori, il y a un retour des éditeurs tiers, mais il faudra voir dans le temps. La question qui fâche, elle coûte. C'est vrai que le prix, moi, c'est le petit point noir pour Nintendo, là où la Wii sont arrivés avec une console à 249€ au lancement, qui était un petit, pour moi, un prix raisonnable. Là, ils arrivent quand même sur un prix entre 300 et 330€ selon les sites web et magasins. Bon, alors maintenant, la question qui va fâcher un petit peu, mais bon, je vais demander à vous, à tout le monde à cette table, est-ce que la Switch sans Zelda Breath of the Wild, ça aurait marché aussi bien? Honnêtement, hein. Non. Non, bah pourquoi? Vas-y, ton avis m'intéresse un petit peu. Bah, c'est que clairement, ils ont très peu de jeux, ils ont de moins en moins de licences, je trouve qu'ils font envie comme ça. Et la licence qui en fait baver tout le monde, c'est Zelda. Et sans Zelda, je pense que ça aurait fait comme la Wii U finalement, où ils n'avaient pas grand chose à la sortie, je trouvais, d'appétissant. Bah, moi je trouve pas justement, parce que si tu veux vraiment jouer à Zelda, t'as une Wii U pour 150€, sachant que le jeu est le même. Ça va pinailler sur des petits points de détail, mais techniquement le jeu est le même. Le même, il rame un peu quand même sur Wii U. Il rame sur Switch aussi. Au moins sur la Wii U, il est stable, parce que sur Switch, on a un taux de rafraîchissement plus élevé, mais des fois, on a des chutes de framerate vachement importantes. Mais bon, qualitativement, c'est vrai que la version Switch est la meilleure, ça c'est évident, mais à la base, elle a été faite pour la Wii U. Moi, je voudrais juste rappeler que la PS4, quand elle est sortie, elle n'avait pas de grosses licences non plus qui sont arrivées, et pourtant, elle a 30 millions de consoles vendues. Mais la PlayStation 4 avait un lecteur Blu-ray intégré et des fonctions qui peuvent servir autre chose qu'à une console de jeux vidéo. C'est ce qui fait un peu la différence. Donc, justement, je voudrais revenir en parlant de la console en elle-même. Est-ce qu'on peut dire que vraiment c'est une console d'excellente finition? Parce que moi, depuis quelques temps, j'ai quand même des petits retours sur des déconnexions de Joy-Con, la languette ultra plastique à l'arrière qui sert à maintenir la console, écran qui se raye quand on la glisse dedans. Il y a quand même vraiment des problèmes qui commencent à se faire. C'est pas très Nintendo tout ça, mais bon. Alors apparemment, pour les connexions de Joy-Con gauche qui se perdent, il y a une rumeur qui a apparemment été confirmée qu'il y a un gros souci de fabrication sur toute une série et qu'il y a certaines pièces mal soudées, mal connectées, en fait, d'où les pertes assez régulières. Ah oui, alors ça m'étonne pas que la console ait été hackée au bout de 8 jours. Et sinon, chez la concurrence ? Alors, pour parler d'autre chose, je voulais préciser que, enfin, le patch de la PlayStation 4 Pro est enfin disponible. Alors, ce patch PS4 Pro, qu'est-ce qu'il apporte? Je ne vais pas détailler tout, la licence, tout ça. Mais en fait, c'est vraiment le mode boost qui a été rajouté. C'est ce qui fait que la console, on l'appelle la version Pro, parce qu'elle permet d'avoir des meilleures textures, une meilleure fluidité, une meilleure stabilité, tout simplement, des temps de chargement plus courts. Et là, je peux vous le dire, moi qui jouais FF15, qui l'ai terminé avant-hier, j'ai commencé sur PlayStation 4 classique et j'ai fini sur Pro. Ça fait vraiment la différence. Franchement, elle est quand même encore difficile à trouver, la PS4 Pro, si je me... Oui, apparemment, ils n'en ont pas fait une grosse série. Ça, c'est très Sony, hein, c'est très tout le monde maintenant. On n'en fait pas beaucoup, on crée un peu l'illusion. Voilà. Donc, Et je te prends peut-être un peu à court, mais t'as peut-être entendu parler des rumeurs d'une PlayStation 5 qui sortirait l'année prochaine, milieu de l'année prochaine. Est-ce que tu penses que du coup, la PS4 Pro va être en petite série? Non, je pense pas. Elle va peut-être petit à petit remplacer la PlayStation 4 classique. Donc on aura la Pro et peut-être une version Pro plus 4K. Parce que là, moi, j'ai pas de 4K à la maison. Mais moi qui ai un écran 1080p, je préfère jouer dans les meilleures conditions en 1080p que un framerate de moitié de 30 fps sur un écran 4K. Voilà. Sachant que Sony risque bien de rendre la PS4 Pro obligatoire, contrairement à ce qu'ils disent. Au bout d'un moment, je pense qu'il y aura énormément de jeux qui seront... carrément optimisé en fait, à la source. Déjà ils le sont là en l'occurrence, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des patchs sur les jeux. La console avec son mode boost déjà donne un vrai aperçu de puissance, hein, franchement. Oui, mais justement je pense que plus tard on risque de se retrouver avec des versions au rabais pour les PS4 normales. Il y aurait vraiment une très grosse différence, et pour forcer les gens à sauter le pas en fait. Et je vous entends bien, mais moi je suis PCiste et je suis un peu perdu. Qu'est-ce que tu me proposes? Pour les PCistes justement, en parlant de puissance, on a la sortie de la GTX 1080 enfin disponible. Alors c'est du très haut de gamme, le prix aussi, il est très haut de gamme. Est-ce que c'est plus de 150€? Je disais que c'est vrai que c'est très très cher, mais bon, quand on est exigeant, quand on veut jouer là en 60 fps mais en 4K ou pour de la VR dans les meilleures conditions, honnêtement la 1080 c'est vraiment la carte qui fait l'affaire. Avec 11Go de mémoire intégrée, je pense que les petites cartes 1060, 1070, ceux qui connaissent un peu les PC me comprendront. Voilà, 11Go, pas 12. J'aime ce son, vraiment. Merci Maxime. Mais de rien. Un petit versus, ça vous dit maintenant? Ah ouais. Le versus. Vous connaissez le principe si vous avez déjà écouté l'émission, mais il est toujours bon de le rappeler. L'auditeur choisit un chroniqueur. J'y étais pas du tout. L'auditeur, l'auditeur choisit un chroniqueur à qui la question sera posée, donc, et la réponse c'est forcément un nombre. Pour gagner, il va falloir dire si la réponse est plus ou moins élevée que l'avis du chroniqueur, et tout le monde peut aider autour de la table. J'ai rien compris. Tu verras. C'est comme tu tous les jeux, tu vraiment, fais genre, c'est oui, j'écoute très, les règles, j'écoute les règles. En fait, c'est vraiment très, très simple. Quoi. Oui, personne ne comprend les règles chez nous. C'est le juste prix. Bah, par exemple, tu dis 8, moi je dis tu bluffes Martoni, et après on voit ce qui se passe. Pas de pastèque. Est-ce que l'auditeur a au moins compris les règles? Peut-être qu'on pourrait accueillir l'auditeur avant, Yann. Oui. Qui avons-nous en ligne? On a Pierre en ligne. Ah, salut Pierre, ça va? Salut, ça va et vous? Ça va? Et vous, ça va? Ça va. C'est son nom de famille en ligne? Ça va, oui. C'est très drôle. Ça. Oh, même l'humour magnifique. Ici. Alors Pierre, t'as déjà fait de la radio? Ouais, je suis passé une fois à la radio déjà. Ouais, mais pas une radio aussi prestigieuse que Les Allumés. Non, ah bah non, non, une petite radio. Non, ouais, petit... Et il aurait dit oui. On a du temps. Ça on a vu les gars, ça on a. Alors, je te laisse choisir un chroniqueur autour de la table. Tu as Thibaut, Maxime, Raphaël. Moi, prends-moi. Ou notre ingé son, bien sûr. Ouais, non, non, c'est compliqué. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai accueilli. Hein. Ouais, je vais faire original, je pense que je vais prendre Raph. Non, parce d'accord. Que Raph a déjà été pris l'année dernière. Écoute, j'ai tendance à donner des mauvaises indications, mais ouais, vas-y, t'es sûr. On va dire que ça m'arrange. On garde Raph ? Ouais, ça me va. Alors, ouais, ça fait un bon teasing pour toi, ouais. En tout cas. Alors, la question est, nos amis d'ITech nous rapportent que dès le jour de la sortie, Zelda Breath of the Wild, comme on en parlait, était devenu le deuxième plus grand jeu de tous les temps selon la critique. Vous connaissez le premier, au fait ? Tony Hawk's Pro Skater 2, je crois. Raté, non, c'est sur le Metacritic. C'est un FF16, non ? Non. Barbie Aventure Équestre. Ah, ce serait énorme, Taxi mais non. Taxi 2 ? Non. C'est mon petit non, mais sur Game Boy. C'est Zelda Ocarina of Time. Ah. Comme c'est étonnant. Ah, mais sur la 64 ? Ouais. Mais ce n'était pas la question. C'est dommage, j'avais juste sur la 64. Ouais, mais tu vois, il trouve toujours un truc. Je t'en prie. Alors, combien de jeux Zelda Ocarina of Time Nintendo a-t-il vendu sur Nintendo 64? Raphaël. Oui. Donne-nous un chiffre. Oui. À plus ou moins 10, on va dire. À plus ou moins 100 000. Oui, non, mais donc clairement. Il y a 30 millions de consoles, alors dis pas au-dessus. Hein. Alors la dernière fois, j'ai donné un chiffre, c'était. Sachant que c'est exubérant. La quatrième plus grosse vente de la console et le jeu le plus vendu en 98. Ouais, ça se parle en millions. J'ai une question, c'est quand tu dis que c'est le plus gros jeu de Nintendo ou de l'histoire du jeu? Le deuxième plus grand jeu de tous les temps et le premier, c'est Zelda. Donc, Ocarina of Time. Ocarina of Time, ça serait le jeu le plus vendu du monde? Non, le mieux critiqué au monde. Ah, d'accord. Ah, oui, des 40 sur 40 combien, dans Famitsu. Combien ils en ont vendu selon toi. La dernière fois, c'était 250 millions pour Call of. Ouais, j'essaye de me référer à ça. Je dirais 350 millions. Alors, c'est plus ou c'est moins, selon toi? Moi, je dirais moins. Hein. 350 000, t'as dit? Notre auditeur? Moi, je dirais moins. Alors, ouais, 350 millions. Est-ce que c'est selon toi plus ou moins? Vite, regarde sur Google, vite. Ouais, attends, je suis en train de passer sur Google. Je te demande pas une réponse, je te demande si c'est plus ou moins, selon toi. Ouais, alors, c'est compliqué, mais franchement, je dirais moins, ça me paraît beaucoup. Je pense. Alors, vous en pensez quoi? Moi, je suis d'accord. Oui, c'est moins. Ouais, c'est moins, ouais. Ouais, sûr? Ouais. Vous validez moi tous? Valide. Oui, je valide moi, ouais. Eh ben, c'est gagné. Ah. C'était 7 600 000 cartouches. 350 millions. Ouais, ça veut dire que mais chaque personne qui avait une Nintendo 64 l'aurait acheté 10 fois. Exact. À peu près. Exact. Ce qui fait que tu gagnes quoi? Un voyage, peut-être. Eh oui. Ce sera bien. Vous repartez la tête haute. Tu connais Auchan Villard? Ça me dit quelque chose, ouais. Pierre, alors, tu gagnes un DVD, mais lequel? Tu gagnes Cloverfield. Je sais même pas ce que ça dit donc. Mais ah bah ça tombe bien. Dès que tu raccroches, tu regardes la bande-annonce, il est magnifique. Eh bah écoute, je vais regarder ça tout de suite. C'est le film catastrophe le plus original qui nous a été donné de voir depuis longtemps selon Paris Match. Et bah j'en suis. Merci Paris Match. Merci. Merci le dos de la le dos de la jaquette du DVD. On rappelle que si tu avais dit un toupil, t'aurais eu le Blu-ray. C'est ça. Voir l'édition collector du deuxième film. Faut pas me dire ça. En tout cas, merci et félicitations pour le cadeau. Ah ben, c'est à moi que ça fait plaisir. Merci bien. Bah en tout cas, à la prochaine et continue bien de nous écouter. Et bah ouais, la prochaine, mais y a pas de souci. Moi, je suis l'émission depuis la première diffusion et ça fait toujours plaisir. Ah, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. On va faire un petit tour dans le passé maintenant, je pense que ça s'impose. Thibaut, tu vas revenir sur un film très spécial, c'est ça? Non, il n'est pas spécial, il est tout simplement un très bon film. Et c'est quoi? à sa manière. C'est Toxic Avenger. Donc c'est Toxic Avenger. Le flashback. Laisse-nous le temps de te lancer. C'est vrai. Alors, c'est quoi ce film ? Je ne vous ai pas lancé, il parlait. Alors, c'est bon, j'ai le droit. Vas-y. Alors, c'est quoi ce film ? C'est un merveilleux film. On peut appeler ça une comédie d'horreur qui est sortie en 1985 et qui nous provient d'une petite boîte de production qui s'appelle Trauma Entertainment. Donc, c'est une petite boîte qui fonctionne complètement en marge d'Hollywood, avec des petits films généralement autoproduits ou grâce à des dons. Ils font ça depuis les années 70. C'est du gros n'importe quoi. Généralement, c'est très sanglant et ça crache bien sur le politiquement correct. Et de quoi ça parle, Toxic Avenger ? Ah, ça a été leur plus grand succès. Ça. Alors, le film se passe à Traumaville, qui est la capitale mondiale des déchets toxiques, donc c'est dans le New Jersey, juste en face de New York, et ça nous raconte l'histoire fabuleuse de Melvin, le technicien de surface, donc qui doit faire 43 kilos à tout casser, et qui travaille dans un club de sport fréquenté par une bande d'abrutis drogués et psychopathes, et qui le déteste. Et suite à une de leurs blagues, où il se retrouve en tutu rose, enfin le complètement humilié hein, devant tout le monde, Melvin, donc il se jette par une fenêtre et il atterrit dans un fût de produits chimiques très dangereux, qui a été négligemment posé sur un camion garé devant la porte pendant que le chauffeur et son pote se mettaient un kilo de cocaïne dans le nez. D'accord. Et les autres personnages, ils sont comme lui ou ils sont encore pires ? Non, non, lui, ils sont tous pourris. Tout est pourri, c'est une ville de dégénérés. Mais en fait, Melvin, lui, il est gentil, les autres, non. Tu me parles des jeunes du club de gym ? Oui, les jeunes du club de gym, en fait, c'est, je l'ai déjà dit, c'est des drogués et psychopathes. Et en fait, toutes les nuits, ils sortent en voiture et ils écrasent des gens. Mais c'est pas au pif, hein, il y a des règles. Combien un gosse à bicyclette ? Super ! Toi, si tu écrabouilles le gosse et la bicyclette ? Alors, si je comprends bien, il tombe dans des produits chimiques et qu'est-ce qui lui arrive ? Alors, là, il se transforme en super-héros, mais pas un super-héros comme Batman ou Superman, un super-héros avec la gueule toute tordue, un tutu rose, du coup, brûlé par les produits toxiques. Il devient très grand et très fort, mais il est encore plus moche que Sinoc dans les Goonies. D'accord, c'est monstrueusement cliché, j'ai l'impression. Ça, c'est un film du dimanche soir sur M6, ça, non ? Non, non, non, c'est beaucoup trop sale. Et en quoi c'est sale, justement ? Parce que Melvin, il décide de se venger, donc il va arpenter les rues de la ville qui sont fréquentées par des malfrats, des loubards, qui cherchent à prostituer des jeunes filles de 12 ans en leur disant qu'ils allaient à un concert de David Bowie et qu'en fait, c'est pas David Bowie. Et, c'est la grande joie, ce film, quand même. Ah, mais c'est fabuleux. Donc, c'est la grande joie. Il va se battre avec la pègre et donc il va les assassiner de façon ultra brutale, à base de fourchettes dans les yeux jusqu'à la dernière phalange. Et qu'est-ce qu'il fait au bébé ? Ah, le bébé, il leur fait rien. C'est juste pendant le braquage d'un... d'un fast-food tacos, les méchants braquent un bébé, hein, comme s'il allait les écouter, quoi. Regarde ce qu'il y a là, une petite maman et son bébé. Tu aimes cette nourriture, gentil bébé ? Alors qu'est-ce que t'attends pour avaler ta bouffe morveuse ? La VF. Serait-ce le malaise dans le studio ? Oui. La VF est fabuleuse. Oui, parce qu'elle colle bien au scénario, à mon avis, ça doit coller parfaitement. Une petite VF des familles comme ça, ça... Oui. C'est encore meilleur en VF. Oui. Exceptionnellement, c'est meilleur en VF. C'est mode sur YouTube de situation malaisante. Ce oui, mais on a passé sur Malaise TV, d'ailleurs, nous, dernière fois. Ça y est, on est passé. Je comprends plus rien. Non, mais vraiment, il faut le voir. Ah, vous êtes gentil. Ah, merci beaucoup. Oh, que c'est agréable de voir de gentils garçons comme vous. Oh, quelle belle journée! Et il lui vole voilà, la donc voiture. C'est des jeunes qui empruntent une voiture à une vieille dame, en fait, en pleine rue, en pleine journée. Poliment. Poliment. Ah, oui. Il lui porte ses courses au début. Au début. Pendant 3 secondes, oui. Est-ce que tu me dis que c'est le film le plus célèbre et le plus aimé de la Trauma, mais ça se mesure comment ? Combien de gens l'ont vu, etc. Le film était tellement mal distribué en France à l'époque. Par exemple, ils avaient écrit Toxic Avenger, AVA. Ah oui, d'accord. Oui, donc il y avait une faute sur l'affiche et voilà. Mais c'est pas le genre de film que tu vas trouver dans tous les grands multiplex de France et qui va faire des millions d'entrées. C'est du pur cinéma d'exploitation, bien bas du front, bien crade. Et ça a son public. Et en fait, il a traversé les décennies. C'est un film culte. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec The Avenger. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Il aurait sa place dans l'équipe. À la place d'Iron Man, par exemple. À la place d'Iron Man, tout à fait. À la place de Tony Stark. Et les critiques à l'époque, elles en ont pensé quoi ? Vu qu'il y en a certains qui ont dû le voir. Oui. Alors, soit les mecs, ils comprennent que c'est complètement décalé, que c'est une grosse bouffonnerie. C'est très sale, mais c'est très drôle. soit ils se font défoncer. Moi, je me rappelle avoir lu que, je sais plus, un truc genre Télérama avait appelé ça un film mongoloïde. Alors, quelque part, ils ont pas tort, hein, je suis complètement d'accord, mais c'est délibéré. C'est pas pour tout public, quoi. Disons qu'on veut délire entre potes, c'est peut-être le bon film, quoi. Non, non, non, quand tu vois les trucs interdits aux moins de 16 ans aujourd'hui, à côté de ça, mais enfin, t'es mort de rire. Mm-hmm. Mais oui, vraiment, c'est ça. C'est pour rigoler, c'est pour se bidonner. Et il n'y a pas de CGI, c'est des effets à l'ancienne, avec des litres de sang et de monstres en caoutchouc. Et vu ça... le budget. Oui, mais c'est bien meilleur comme ça. C'est palpable. Donc on est là pour choquer les puritains et... Oui, voilà, ouais, le film choque, qui doit choquer, il fait rire tous les autres, quoi, normalement. Tu nous parles un petit peu du réa, parce que cet homme est une légende vivante. Ah, Lloyd Kaufman, oui, le fondateur de la Trauma, en fait, qui a réalisé ce film. C'est le gars, il a plus de 70 ans aujourd'hui, il est toujours dans le même délire décalé, il fait des apparitions dans des émissions internet, complètement rien à voir, il fait sponsor ses films, en fait, par des donateurs, les mecs ont le droit d'apparaître dedans, c'est complètement non professionnel, toujours gore et de mauvais goût. Et en termes de qualité, on est plus proche de Spielberg ou de Uwe Boll? Ah non, c'est pas du Uwe Boll, c'est bien réalisé avec leurs moyens à eux. C'est en fait, quand ils font un truc de travers, c'est qu'ils l'ont volontairement fait de travers. On précise que, et on finit là-dessus, il y a quand même 3 suites à Toxic Avenger, enfin je crois. Il y a 3 suites, ils en reconnaissent que 2, mais il y en a 3, ouais. Et c'est encore pire? Et ben, ça va encore plus loin dans le mauvais goût et le scato, avec des braquages d'écoles d'handicapés par des néo-nazis déguisés en bébés. J'adore ce film. Je l'ai pas vu, mais j'adore ce film. Il y a des dimensions parallèles. Je pense qu'on va se faire une séance DVD ce soir. Oui, voilà. Ensemble. En plus, t'as amené le DVD. J'ai amené le DVD du 1, mais si tu veux les autres, je les ai aussi. C'est marrant, on le fait pas gagner celui-là. C'est mieux. De toute façon, je le donnerai pas. On ne veut pas perdre notre auditeur. C'est ça. Merci Thibaut. C'était compliqué, un petit peu dégoûtant, mais surtout très très drôle. Non, mais il faut le voir, c'est drôle. Mais je crois qu'il est temps pour notre première pause musicale. Even if it was raining hard, we didn't make a run for it. Didn't fall backwards, if only I could have said it. And I'll be there for you, baby, even if we are still too young. I wanna take you to the place where I belong. Your heart's my lucky charm. Sleep in the riverbed. Take me in your arms. Please don't be afraid. And I'll be there for you, honey. Even if you make my heart blue. No matter time and memories, stars move closer. Try to C'était Confused Way, interprété par les Nurses, qui sont nos invités aujourd'hui. Et c'est très bien. Oui, alors du coup, parlez-nous de la chanson, elle signifie quoi celle-là? Ah, Thibaut, là c'est à toi, moi je peux rien dire là. Je sais pas, je parle pas anglais. Ah, je parle pas anglais. Je pensais pas que c'était une question piège. C'est pas une question piège, c'est juste, ça va juste être une réponse très bateau en fait. Ouais. C'est pas grave. Bah non. Non, ça parle d'un chemin entre un homme qui cherche celle qu'il aime, tout simplement. Confused Ways. Confused Ways. Et d'où ça devient ce genre de thème? Tu veux vraiment l'histoire, ok. En fait, quand j'étais petit, j'allais en vacances chez mes grands-parents dans les monts du Pilat. Je retrouvais toujours une fille, en fait, qui habitait là-bas. Et on était très proches quand on était enfant, et on s'est perdu de vue pendant genre 10 ans, et c'est à propos de ça que j'ai écrit, en fait. Voilà. D'accord. C'est simple. Et Adrien, pourquoi tu as réalisé le clip, justement? Pourquoi moi, toi, en tant que bassiste, on se dirait pas, il va réaliser le clip du film? C'est vrai, parce que normalement, les bassistes ne font rien. Je veux dire, les bassistes branchent leur jack. Arrivent en retard, deux, trois notes, et voilà, c'est fini. Il me semble qu'ils boivent des bières aussi. Aussi. Ça fait partie du deal. Non, parce que, en fait, la réa, c'est quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps, vraiment. Et là, je me suis dit, bon, bah, on a une chanson enregistrée en studio, pas trop moche. Autant faire une vidéo et puis réaliser son désir, quoi. Du coup, voilà. Et, autant mixer les plaisirs, quoi. Voilà. Et il fait ça très bien. Oui, ça se marie bien ensemble. Et voilà. Est-ce que les images du clip te sont venues dès l'enregistrement de la chanson? Non, j'ai eu à peu près 5 idées différentes du clip en fait. Mais c'est quand je suis rentré au théâtre, là où on a tourné au théâtre de Tardy, à Saint-Etienne, que j'ai vu juste le lieu. J'ai fait ok, bah, en fait c'est là qu'on va tourner. C'est en voyant le lieu que j'ai eu l'idée du clip. Le théâtre de la Grille Verte, parce que ça le théâtre de Tardy, tout simplement. Oui, il me semble que ça s'appelle le théâtre de la Grille Verte. C'est ça. Et t'avais quoi comme idée par exemple de clip à la base? Par exemple, moi je voulais un long plan séquence en bagnole en fait, un long cheminement en fait, avec le temps qui passe en fait, avec la lumière et les couleurs qui changent, ouais. Comme s'il y avait une ellipse temporelle pendant qu'il y avait une lenteur sur le personnage que Thibaut jouerait, quoi, par exemple. Après, pour les autres, moi je vais pas tout vous faire, mais voilà quoi. D'accord. Oui, oui. Mais bon, j'espère que ça se reproduira, parce que c'était vraiment une super expérience de Réa. Puis Thibaut est un superbe acteur. Je suis comédien. Comédien. Ah, moi, j'aimerais savoir quand même si Thibaut, il l'a pécho, la fille, en fait. Ah oui. Alors, C'était ma copine à l'époque, la fille, voilà, qui était dans le clip. Oui, mais est-ce qu'il a essayé, du coup? Non. Heureusement pour ça. Il ne sait pas, en fait. Il vous répond non, mais il en sait rien. Mais vas-y, parle, il t'entend pas, je crois. T'entends pas, c'est bon, on est coupé. Non, évidemment. Non, mais c'était trois filles différentes dans le clip. À un moment, elles deviennent trois entités, et c'est bien trois filles différentes. On n'a pas fait au montage. On sait pas faire, et voilà, donc c'est trois nanas différentes, donc il a pu se faire les trois nanas, Thibaut. Non, je rigole, Laurine, Juliette et mince, Camille. Et Camille, avec tout le respect qu'on vous doit, c'est pas vrai. Je couperai la partie du non, je rigole. D'accord. Les joies du montage. Super. Bon, ouais. Je reviens vers toi, le chanteur. Le choix de l'anglais dans les textes, c'était une évidence pour vous? Tout de suite, ouais, parce que tout ce qu'on écoute depuis qu'on est petit, c'est de l'anglo-saxon, anglais ou américain. Donc tout de suite, on s'est pas dit on va écrire en français, parce qu'au fond, on n'écoutait pas de chansons françaises ni d'artistes rock anglais. Là, on a vraiment du rock vraiment anglais, hein, pour le coup, je trouve, même ouais. Plus anglais qu'américain. Ouais, complètement. Ouais. Après, ça se sent pas trop sur la chanson que vous venez de passer là, mais on a aussi pas mal d'influences des États-Unis. Mais c'est vrai que cette chanson, c'est complètement anglais. T'as raison. Ouais. La prochaine qui passera plus tard, pour le coup, c'est plus nos influences désert américain qu'en Angleterre, quoi. Ça se verra bien dans le clip, je pense. Oui. Ouais. Bon, c'est à ton tour, Maxime. On va parler SF cette fois-ci avec toi. Vu que tu vas nous parler de Remember Me, c'est ça? Oui, tout à fait. Allons-y. Le rétroviseur. Alors voilà, 2017, c'est une année de jeux vidéo, mais c'est aussi une année très cyberpunk, hein, oui, parce qu'on a quand même des grosses sorties au cinéma comme Ghost in the Shell. Alors j'allais dire Blade Runner, mais c'est parce qu'il est ressorti en fait au cinéma à Saint-Etienne, mais on a Blade Runner 2 cette année, avec aussi, on entend parler de Matrix en ce moment, enfin, ça revient. Tu veux dire que Blade Runner vient de sortir à Saint-Etienne? Non, c'était pour se remettre dans le bain, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, et c'est vrai que Forum a fait un partenariat avec le cinéma à l'Alhambra pour faire une... comment dire... On revoit le film, quoi, ouais, voilà. Ça pourrait être cool de le voir en salle. C'est ça. Ouais. Bon, déjà, on peut commencer par parler du studio Dontnod. Alors, c'est un studio français qui est basé à Paris, fondé en 2008 par Hervé Bonin, Alexis Briclot, Alain Damasio, Oscar Gilbert et Jean-Maxime Maurice. Alors, c'est tous des gens qui ont bossé sur les licences comme Splinter Cell, Rainbow Six ou encore le titre Heavy Rain. Ils développent leur premier jeu intitulé Remember Me. Et après, par la suite, ils décident de développer Life is Strange, qui se révélera être, contre toute attente, réclamé par la critique des joueurs. Avec 5 millions d'exemplaires vendus, c'est quand même pas rien. Par contre, au niveau de Remember Me, ça s'est pas passé pareil. C'était même un échec commercial, on peut dire, quand même, parce que globalement, les gens, moi je l'ai pas fait, je connais pas, je sais pas trop de quoi ça parle, donc c'est quand même, ça a pas trop marché. Donc c'est vrai que c'est toujours délicat de se lancer dans les jeux vidéo à gros budget pour un premier jeu. Alors je vais pas m'étendre sur le sujet, pourquoi c'est un échec. Il y a parfois des jeux qui sortent pas au bon moment, ou des jeux qu'on comprend pas. Alors je prends le cas de Mirror's Edge, par exemple, qui a pas du tout marché, parce que c'était un jeu en première personne, et les gens disaient, ouais, mais je comprends pas, tu peux pas utiliser des armes. Ça s'est un peu rattrapé, non, par la suite. Parce que le jeu a baissé très vite, ouais. En fait. À 70 balles pour 4 heures, personne l'a acheté. Ouais, à 30 euros, il est devenu beaucoup plus intéressant. Oui, et puis même le 2 a voulu tenir compte des avis des joueurs. Finalement, ils se sont lancés dans une espèce de RPG qui passe pas des masses, quand même, hein, honnêtement. Oui. Voilà. Donc après, pour revenir quand même à Dontnod, à la base, c'est un studio qui s'appelait Adrift en 2008, et on commençait déjà à voir des concept art sur Internet. Alors on voyait Paris, Néo-Paris, en 2084. C'était juste superbe de voir des artworks de la ville comme ça, avec ce côté vraiment futuriste. Ils ont gardé toute l'architecture parisienne, avec les lieux qu'on connaît. Bon, bah, évidemment, je parle de l'Arc de Triomphe, mais il y a les aussi... Les... oui, non, mais c'est le vrai que... Sphinx, voilà. Même les clochards, ils sont high-tech là-bas, tu sais. Non, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment gardé un Paris avec toute l'architecture remodernisée. C'est vraiment très sympa. D'accord, Maxime, mais la direction artistique, ça fait pas tout. Bah non, bien sûr. Mais bon, pour se mettre dans l'ambiance, il faut aussi que la musique qui accompagne le jeu soit de qualité. Et là, pour le coup, ils ont pas raté ça. Ils ont fait appel à Olivier Derivière, qui a fait la bande originale du jeu, qui est juste superbe. Que ce soit les scènes de combat, les balades dans Paris, on a vraiment un fond ultra classique mélangé avec du son électronique, oui. On précise qu'Olivier Derivière a fait le seul truc qui était bon dans Alone in the Dark 5, la BO. Bah s'il est connu pour ça, tant mieux alors. C'était lequel, le 5, celui sur Xbox 360 ouais, là, ouais. Ah oui, c'était vilain. Alors c'est vrai qu'Olivier, j'ai vu des interviews de lui, où il parle vraiment de ses inspirations comme Aphex Twin, c'est vraiment de la musique électronique, machin. Mais ce mélange classique électro, je vous laisse écouter un petit extrait d'une scène de combat. Alors voilà, par contre, des moments dans le jeu, on va retrouver des extraits qui sont vraiment bien plus classiques. Alors ça, c'est un moment du jeu. Alors c'est un moment dans le jeu où on va traverser un appartement parisien. Et alors là, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que dans cet endroit voilà, vraiment futuriste, il y a un cyborg de maison en train de jouer au piano, un morceau célèbre de Eric Satie, la gymnopédie numéro 1. Alors là, je vous le dis franchement, j'ai juste posé ma manette. Moi, j'ai écouté le cyborg jouer jusqu'au bout son morceau de piano et franchement, c'est vraiment important. Et puis même, c'est important de se dire que dans ce jeu, on tient compte que la musique dans le futur, de la musique comme celle-ci, c'est une manière de l'écouter. Donc, ils ont trouvé une petite solution. Bon, on veut peut-être tous un cyborg à la maison pour faire la cuisine et tout, mais bon, pour la musique, ça peut être intéressant aussi. Et l'histoire, ça donne quoi ? Alors Remember Me, c'est avant tout une histoire à vivre, c'est un concept à la base de stockage de données, c'est-à-dire que vous stockez vos données dans des souvenirs, enfin vos souvenirs par exemple, dans un serveur qui se trouve à l'arrière de votre tête, ils appellent ça le Sensen dans le jeu. Le but du jeu à la base, c'était une chasseuse de souvenirs qui remixait les souvenirs des gens. Alors je vais prendre un exemple, là tu te fais une pizza 3 fromages, le lendemain je vais te remixer ton souvenir et tu vas croire que t'as fait un joli gâteau au chocolat. On se croirait dans Total Recall. J'allais dire une pizza 4 fromages, un truc vraiment amélioré. Ouais, un truc vraiment high-tech. Non, mais c'est vraiment une expérience dont on se souvient. Et même si on reste parfois quand même un petit peu contre certaines imprécisions de gameplay ou une caméra agaçante, parce que c'est quand même ça qui fait que le jeu, il marche pas très bien. C'est un jeu un peu couloir quand même. On peut se dire quand même que c'est vraiment un jeu d'anticipation, un régal, une démonstration de force même par certains aspects dont on espère que d'autres licences. Alors j'attends d'ailleurs beaucoup le jeu de CD Projekt, ceux qui font The Witcher 3, enfin The Witcher en particulier. Ils vont se mettre sur un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077. 77, ça fait presque 3 ans qu'il nous en parle, même 4 ans, et je pense que là on va avoir vraiment du lourd. Alors, pour conclure cette chronique, la semaine dernière, donc, se déroulait la semaine de l'ASF à Forum à Saint-Etienne, et à cette occasion j'ai pu interviewer Alain Damasio, le cofondateur de Dontnod, et il va nous parler un peu de son implication dans le projet. Ouais, en fait je suis fondateur, cofondateur du studio avec 4 autres personnes. J'étais directeur narratif donc pendant 3 ans sur le jeu de Raymond Bemis, avant de passer la main à Stéphane Beauverger, qui est un auteur aussi de science-fiction et un brillant scénariste, et qui est à la Volte aussi chez mon éditeur. Et en fait, j'ai piloté une équipe de 8 scénaristes pendant 8 mois sur cet univers-là. Sachant que moi-même, j'ai travaillé 3 ans dessus et que j'ai créé une première bible, puis une deuxième bible narrative qui faisait 1000 pages à 4 avec mes colistiers. Donc on avait bâti tout un univers à Paris 2084 en réinventant la technologie, la société, le contrôle, la politique, l'écologie, la façon de manger, de boire, de se divertir. Enfin, on a développé un univers énorme dont on retrouve assez, enfin on retrouve dans le jeu, mais évidemment réduit à 2 ou 3%, parce qu'un jeu peut pas tout déployer, quoi. Mais le jeu a bien fonctionné. En fait, on a quand même vendu 2,5 millions. On se dit que c'est un échec dans l'échelle du jeu vidéo, mais c'est quand même un jeu qui a bien fonctionné, qui a été beaucoup téléchargé sur les plateformes. C'était pour un premier jeu de studio, c'était pas mal. On a eu, je sais plus, 72, 73 en métacritique. Donc après, il y a des défauts, mais comme tous les jeux. Mais pour moi, c'était une grande première. Voilà. Alors voilà, pour rappel, vous pourrez acheter ce jeu sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. On vient d'entendre le créateur du jeu. Tu nous as dit que le jeu était un échec. Comment il l'a vécu, lui, justement ? Il m'a expliqué que c'était quand même assez dur, parce que lui, il avait vraiment créé toute une ambiance. C'est vraiment la base dont il nous parlait. Création de l'univers, tout ça, il s'est vraiment penché là-dessus. Et c'est vrai qu'après, c'est du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il faut caser du gameplay, parce que les gens, il faut qu'ils jouent. C'est vrai qu'il serait peut-être plus marché avec un jeu type Heavy Rain ou dans ce goût-là. Parce que là, il n'y a pas de gameplay. Ouais, ils se sont associés avec Capcom en fait pour faire ça, et on est venu sur un truc un peu arcade, voilà. Mais bon, ça, enfin moi en tout cas en tant que joueur et qui ai fait ce jeu, j'ai vraiment compris ce qu'on voulait me faire comprendre dans le jeu, c'est ce pari là et j'en garderai vraiment un très bon souvenir. Et il s'adressait à quel public, le jeu, au départ? Un public qui aime la SF déjà, hein. C'est l'anticipation, tout ça, c'est vraiment. Mais on aime, on n'aime pas. Enfin, en jeu vidéo, il y avait de la grosse concurrence. Je me souviens juste d'un certain Deus Ex, oui, qui est exactement sur le même créneau. Exactement, c'est vite dit, parce qu'après, c'est toujours la différence, c'est le gameplay. Hein. Mais bon, le cyberpunk, on peut le dire, oui, c'est vrai qu'il y a quand même une influence. Là, c'est vrai que c'est vraiment Paris, le fait que les gens qui connaissent Paris, qui reconnaissent des endroits, des stations de métro, tout ça, on se dit, ah, c'est trop le truc que je connais. Et c'est intéressant juste de se poser et de regarder ce qu'ils ont fait, comment ils ont anticipé ça, à quoi ça va ressembler une boulangerie dans le futur. Je veux dire, quand on a des panneaux déroulants en hologramme, c'est de l'ASF, mais en ce moment, on remarque bien que l'ASF, on est en train de la rattraper. Hein. On arrive à faire quand même des choses incroyables, et je me dis que c'est pas si con tout ce qu'ils ont fait, quoi. Tu nous l'as dit, mais on le rappelle, Remember Me, c'est disponible facilement d'occasion sur PS3 et 360. Et comme tu nous l'as si bien vendu, je pense qu'il mérite bien une autre chance. Eh ben, je vous le souhaite. Il est temps de jouer tous ensemble, je crois. Oui. Bah oui, ouais. Le quiz du PGM. On rappelle tout de suite ce jeu, les règles sont simples. Yann va nous poser des questions auxquelles on ne connaît absolument pas les réponses. Le jeu dure 1h30 à peu près. C'est le reste de l'émission, c'est le quiz du PGM. D'accord, alors on y va. C'est parti. Qui a réalisé Terminator 2? James Cameron. Mais non, il y a Thibaut. Combien de jeux compte la saga principale Metal Gear Solid? 6. Oula, on compte les sorties sur MSX. Avec Zero Rose. On va dire 6, ouais, 6, 7, ouais, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a des jeux sur Game Boy aussi. Non, je dirais 9. La saga principale? Moi, je dis 12. Ah oui, il y a les épisodes sur portable. Il y a les PSP, ouais. Ah, mais, ouais, on parle de tous les jeux ou... Allez, tous les jeux estampillés Metal Gear Solid et ceux 12. De l'histoire principale. Allez, 12. Il a dit Metal Gear Solid, il a pas dit Metal Gear. Oui, ça compte aussi, hein, maintenant, avec Kojima. Ça en fait que 2 de plus, de toute façon. On compte le jeu d'arcade. Après, t'as même les trucs sur DS, t'as Ghost Babel et tout. Ça compte pas, ça. J'ai dit la saga principale. En fait, il choisit au fur et à mesure. Non, ça compte pas, je l'avais oublié. Ça compte pas. Non, j'ai dit la saga principale. On part sur... Moi, pour le coup, je dirais 9. T'es pas loin. 11. Forcément, entre 9 et 11. Ça aurait pu être 10. On l'offre à Maxime. 9,75. M'offrez quoi? Alors, il y en a deux ici, s'ils trouvent pas la réponse à la prochaine, ils vont s'en vouloir toute leur vie. Que s'est-il passé? passé le 8 mai 1991 en France. Les droits de la femme ? 8 mai 91, je sais quoi, la sortie de Sonic ? C'est la sortie de quelque chose, ouais. La Dreamcast ? Non. La Mega Drive ? C'est la sortie d'une... Non, la Mega Drive était c'est déjà sortie. C'est une sortie ciné. Ah, Terminator 2 ? Non. Non, c'était... Le film était c'est... déjà sorti quelques années plus tôt dans un autre pays, et c'était la première fois que nous on l'avait. Donc c'est Akira. C'est Akira, joli. À combien d'exemplaires s'est vendu le jeu Resident Evil 4 sur GameCube ? 350 millions. 350 millions, ouais, il y a quoi ? Il y a 22 millions de consoles. J'ai dit juste sur GameCube. Hein. Oui, mais ils ont mec, il a plus sur PS2, je dirais 4,5 millions quand même. 1,6. Ah, superbe. D'accord. Donc c'est en bien. Fait, c'est un jeu entre Thibaut et Yann. C'est ça. On va renommer ce jeu. Qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 2016 ? Thibaut, t'écoutes ? Non, Thibaut. Je sais pas, Rocky 4, j'en sais rien, j'ai pas du tout suivi. L'Oscar du meilleur film en 2016 ? Oui, foutre ma merde, les invités peuvent jouer. Mad Max, La La Land, non ? Mad Max Fury Road ? Ah non, en 2016, pardon. Bienvenue chez les ch'tis. À la cérémonie. Non, c'est un film avec Leonardo DiCaprio. Ah oui, c'est The Revenant. Voilà. Ah, comme il est pas bien celui-là. Oh, c'est fou, ça, il est super bien ce film. Non, le mec, il dépèse un cheval pour aller s'y foutre dedans. Ah, mais c'est sûr, par contre, il est. Non, ça, c'est typique la réflexion du mec qui a jamais dépecé un cheval pour rentrer dedans. Il y a quand même une forme de réalisme dedans. Je pars pas du principe que c'est une histoire vraie, mais franchement, ça fout les chocottes des moments tu te dis, ouais, tu sens que t'es avec lui, quoi. Au chaud dans le canapé. Citer deux personnages de la saga Uncharted. Eh ben Drake et Drake. Je donne que Drake, moi. Ouais, moi Sully, Chloé, Elena. Parfait. Quelle était la particularité de l'acteur Bill Paxton ? Il est décédé. Il était bec. vu la question, ah, ça je pourrais répondre parce que Hans me l'a dit la dernière fois et c'est vrai que c'est assez rigolo. Tu le sais ou ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Il était atteint d'hypergonadie. De quoi ? Hypergonadie. C'est quoi l'hypergonadie ? T'as des grosses couilles, c'est ça ? Ouais. C'est une particularité qu'il partage avec un autre acteur. Oula, il était siamois. Ah, ça aurait été très très bon. Il le partage avec un autre acteur, du coup. Non, c'est avec Lance Henriksen. C'est les deux seuls acteurs qui ont été tués par un Terminator, un Predator et un Alien. Ah d'accord. Ouais, non, mais c'est vraiment pas Paul dans leur filmographie, mais c'est les deux seuls spoiler. À qui c'est arrivé. Ouais. Effectivement, c'est dans les règles. Hein. Personne ne connaît les réponses. Sauf Thibaut. Voilà. Ça a l'air non, mais ça, c'est parce qu'il me l'avait dit l'autre fois, sinon je m'en étais pas rendu compte tout seul. Thibaut, oui, tu m'étonnes. Thibaut, juste pour être sûr, ça a l'air Connor. C'est à côté. Bon, alors, c'est une question d'actu. Là, je vous demande pas une réponse précise, je vous demande juste une idée. Quel âge aurait, selon vous, le conte La Belle et la Bête ? Je dirais 20. Non, plus. Milliards d'années. Oui, 350 millions d'années. Non, 350 millions d'exemplaires. Le compte en lui-même, oui. 150 ans. Le compte en lui-même, 120. Je suis pas parti sur le 100, mais peut-être plus le 60, 70 ans. Non, j'aurais bien dit, ouais, 95, 100. Selon une étude universitaire récente, c'est donc une question d'actu. Allez, selon une étude. Il y a des mecs qui ont été payés pour faire cette étude, tu veux nous dire ? Oui. Des études pour tout. Les contes de notre enfance, dont La Belle et la Bête, seraient dans la tradition indo-européenne depuis 4000 ans. Oui, voilà. C'est ce que je disais, 60. Plus. Mais attends, La Belle et la Bête, c'est pas un truc des contes Grimm ou une connerie comme ça ? Non, ça a été retranscrit par Grimm. Ah ! Parce que c'était un conte dans la légende populaire. Il y avait une tradition orale depuis des siècles et ça a été transcrit par Grimm. Genre les mecs qui racontaient ça gratuitement, lui il l'a écrit, il l'a vendu. Et c'est ça. Ouais, voilà, il a compris le système. Du coup, une question me brûle les lèvres. Et la Reine des Neiges dans tout ça ? Ça fait aussi 4000 ans. 4000 ans qu'elle est là, la Reine des Neiges. T'as vu à peu près le film L'Âge de Glace ? Ouais. Ça devait se passer au même moment. Oui, il y a énormément de points communs. Ouais. Alors, question actualité. Qui a devancé Marine Le Pen dans les sondages pour le premier tour de la présidentielle et pas de polémique, s'il vous plaît. Fillon. Je dis rien. Je suis absolument pas. J'irais Fillon. Voilà, je sais pas du tout. Non, vous les avez tous cités, sauf un. Macron. Macron. Non, tu dis un. Oui, mais je l'ai dit juste avant. On a dit pas de débat, mais alors. Je voudrais pas créer du débat. Mais... Bon, on va s'accorder une deuxième pause musicale, je vais y arriver. C'était laquelle que je devais passer ? C'était celle du Parti communiste ? L'international, tu sais bien. C'est ça. We'll be right back. C'était Hillsborough, signé des Nurses, nos invités du jour. Et pour cette chanson, le clip est tiré d'images d'archives de films des années 60-70. Alors, pourquoi ce choix par rapport à la précédente chanson ? Alors, pourquoi ? Non, mais en fait... Clairement, comme on disait tout à l'heure, on a une grosse influence du rock du désert, enfin de désert de Palm Springs aux États-Unis. Il y a plein de groupes qui ont émergé de ce désert, vraiment littéralement. Ils ont joué dans ce désert-là, quoi. Et Gauthier et Thibaut sont tombés sur ces images d'archives. On cherchait des images libres de droit pour pouvoir faire une vidéo. Et ça collait complètement, en fait. C'était une espèce. Bon, il parlait de trauma tout à l'heure. On dirait un peu des images de production trauma, complètement filmées à l'arrache, avec un grain un peu dégueulasse, des trucs bien bruts de décrochage. Et puis. On s'est dit, bah, ok, ça colle en fait. Et ils se sont amusés, il me semble, à essayer de créer une petite histoire avec des images de films pas du tout qui n'avaient aucun lien entre elles, à part le désert et puis ce grain un petit peu particulier qu'ont les films de production, les films indépendants. Ah oui, voilà, les films indépendants de série B. Ou Z. Et voilà, du coup, ça collait bien. Non, on avait dit les blagues, c'était pas toi. Hein. D'accord, bon, alors, qu'est-ce qu'elle peut dire cette chanson ? Pour ceux qui parleraient pas anglais, qu'est-ce qu'elle dit cette chanson ? Qu'est-ce que vous dites dedans ? Alors, ça parle d'une tragédie qui a eu lieu dans les années 80, à la fin des années 80. Ça s'est passé dans un stade de foot. Bon, on peut parler de foot ici, il me semble. Oui, bien sûr, on est des spécialistes. Bon, ouais. C'est ce qui me semblait. Dans un stade, en fait, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont participé à un mouvement de foule et ça a fait 96 victimes. C'était la tragédie d'Hillsborough. C'était un match entre Liverpool et la Juventus, je crois, en Coupe d'Europe. Le Ezel, ouais, en 85. Oui, non, ça c'est le Hazel entre la Juventus et Liverpool. Et Hillsborough, c'était entre Liverpool et Sheffield en Cup. Et suite à un mouvement de foule, il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Et en fait, pendant 25 ans, les familles des victimes se sont battues pour faire reconnaître que c'était suite à des problèmes d'organisation et de sécurité et à cause de la police qu'il y a eu ce mouvement de foule et tous ces morts. Alors que des journaux anglais comme le Sun rabâchaient le fait que c'était à cause de ces putains de hooligans, comme ils disaient dans les journaux, que toutes ces personnes étaient mortes en fait. Et là, c'était des 25 ans, il y a 3-4 ans. Et à ce moment-là, ça m'avait vraiment marqué parce qu'il y a eu beaucoup de cérémonies dans les stades, beaucoup d'hommages. J'avais trouvé ça très émouvant et du coup, j'avais décidé d'écrire une chanson là-dessus. Ça t'a donné de l'inspiration. Exactement. Donc, est-ce que vous vous entendez tout le temps sur ces thématiques ou comment ça marche l'écriture ? S'il n'y a que toi, vous réfléchissez ensemble ? En grande partie, c'est moi, mais je demande toujours l'avis finale de mes comparses, quand même, parce que je suis pas... C'est ça qui vous réunit, ou... Alors, à la fin, oui. Il y a des chansons qu'on a co-écrites, bien sûr, parce qu'on adore aussi faire les choses ensemble, mais moi, ouais, voilà, je fais jamais le truc tout seul, dans mon coin... Et... Sans rien demander. La musique, chaque personne du groupe compose sa partie ou comment ça se passe ? En général, j'arrive avec un truc à moitié fait, genre avec quelques parties de guitare, voire de basse ou de batterie, enfin des petites idées quoi. Et à partir des textes et des petites idées qu'on a, on lance un processus de création entre nous, tous les cinq, où chacun balance ses idées, un espèce de brainstorming musical en fait. Voilà, c'est un peu ça. Comme on baigne un peu dans le même bain, on a les mêmes influences, vraiment ça se fait assez simplement. Ça se fait naturellement. Ouais, vous entendez bien tous. Ouais. On n'a même pas besoin de parler des fois. Ouais. Oh, ouais. Que de la musique. Ouais, c'est ça, tout à fait. L'amour de la musique. Et alors, vous êtes quand même jeune, vous avez quel âge tous ? 66 ans aujourd'hui. C'est ce que je dis, très jeune. Oui. Non, bah, pour du rock'n'roll, vous avez 66 ans, c'est bien. La moyenne d'âge de votre groupe, c'est bah, nous, on a 22, Gauthier, il a 25, il y en a un qui a 19 ou 20, ouais, ils sont sérieux. Les mecs, la moyenne, c'est 21 à 22 ans. D'accord, ils font pas du tout 22, hein. Absolument, on est d'accord. La moyenne, c'est 22 ans. Ouais. En gros, 22-23 ans. Vous êtes jeune pour faire quand même un groupe de musique. Est-ce que vous vivez de ça ou pas du tout ? Est-ce que vous avez un boulot à côté ? Est-ce que vous faites. Ouais, envie de ça. Bah, tu sais, les tournées internationales, ça prend carrément du temps. sans parler de tournées, etc. Mais on sait que vous faites quelques concerts. Est-ce que vous vivez que de ça ? Vous misez là-dessus ? Ou est-ce que vous avez un boulot à côté ? Vous avez des études, etc. Non, du tout. Enfin. Non, ils veulent pas redoubler. on prend vraiment le truc côté, voilà, c'est pour se faire plaisir, voilà, juste pour se faire du bien aux oreilles. Il faut vraiment travailler sur la communication pour arriver dans des concerts et qu'en fait on te paye de manière juste legit, oui. Que ce soit juste normal qu'on soit payé. Alors qu'en fait, il se trouve qu'en général, c'est plutôt bon, bah, on vous paye les canons ce soir, on vous paye la bouffe et puis le prix libre, on vous donne le truc. Ce qui est très bien, nous, ça nous va très bien. Oui. Mais en fait, concrètement, on n'a pas les moyens de trouver des dates qui nous font vraiment payer en fait. Mais je pense que bon, si ça marche, on s'en privera pas. On s'en privera pas. On s'en privera pas. Mais sinon, on a tous des boulots à côté. Voilà, c'est le loisir. Mais on se fait grave plaisir. Et quel retour vous avez de la part du public ? C'est nul, faut arrêter tout de suite. En général, ils nous disent que... Ah, vous avez reçu ma lettre ? Non, en général, c'est assez positif. Même quand le style ne plaît pas, ils disent, bon, il y a du peps sur scène, ça bouge, on voit que vous kiffez ça. Et même pour ceux qui ne sont pas forcément dans ce bain-là, nous congratulons assez bien. Ouais, bah, bien. Une critique, pour le coup, je n'écoute pas du tout du rock à la base, mais vraiment, ça sent pro, quoi. Enfin, Ça s'entend, c'est un son professionnel dans ce que vous faites. Ouais, voilà. Après, on est enregistré dans vraiment un bon studio qui s'appelle Purple Ship Studio, dans les monts du Lyonnais. Donc, c'est vraiment avec un pro. Je sais pas si vous connaissez Dorsfall, c'est un groupe de Saint-Etienne qui marche assez bien en ce moment. Ils ont enregistré dans le même studio. Donc, voilà, déjà, ça vient de là. Et aussi, ça vient sûrement du fait que, vu qu'on fait de la musique ensemble depuis qu'on a 14-15 ans, on arrive à créer un truc qui fait que chacun trouve sa place dans l'univers. Et on gagne en précision et donc en côté pro, je dirais. J'espère que vous êtes bien accrochés, parce que le dézingueur est de retour, et ça va faire mal. Ce mois-ci, tu vas évoquer un thème qui déchaîne toutes les passions, les super-héros. Le dézingueur. Salut à tous, alors aujourd'hui on va dézinguer du super-héros, enfin. Je suis très loin d'être un héros, hein, et si je l'étais, je serais sûrement plus anti que super. Je vous préviens tout de suite, oubliez toute logique. En fait, plus que de parler de simples super-héros, on va parler de pas super-héros. Mais alors vraiment pas du tout. Alors évidemment, quand je dis super-héros, on a tous en tête le MCU, le Marvel Comic Universe, avec notamment les Avengers, hein, une troupe de gentils venus combattre les vilains, ou le DCU, le DC Universe, avec la Justice League, hein, une troupe de gentils venus combattre les vilains, ou même leur Suicide Squad, une troupe de vilains venus combattre des vilains. J'avais dit d'oublier la logique. Mais à côté de ces jeunes gens, il y en a qui restent dans l'ombre et que personne connaît. Je vous laisse le choix entre un homme qui peut changer de couleur quand il veut, un mec qui a comme seul pouvoir de se transformer en boule, ou encore celui qui tue ses ennemis en vomissant. Lequel existe réellement selon vous ? C'est la boule, non ? Le vomi ? Le vomi, il paraît pas mal. Vomi d'acide ou un truc comme ça. Eh ben, petite surprise, ils existent tous. Ils existent génial. Tous. Il y en a deux pour le DC Comics qui s'appelle Color Kid, donc pour le mec qui transforme... Celui qui vomit, c'est pas inspiré de Yann ? Il y a Color Kid et Bouncing Boy qui se transforment en boule. Voilà, il y a que ça. Et le vomito, il appartient à Marvel. Et il a un joli petit nom facile à retenir qui s'appelle Zeitgeist. Et j'ai cherché, parce que je travaille quand même. Ça veut dire l'esprit du temps. Ce qui n'a aucun rapport avec le vomi. Mais l'information est importante. Je vous avais dit d'oublier toute logique. On va pas parler de super-héros, on va même pas parler de leur mère, hein. Parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, mais Batman et Superman. Voilà ce magnifique son. Pour devenir meilleur ami avec les deux héros les plus puissants du monde, il y a juste un mot de passe à dire. J'adore ce truc. Je pense que je vais le réutiliser à mort. Merci. Non, on ne parlera pas non plus des faux super-héros, hein, ceux qui n'ont aucun pouvoir en particulier. On prend l'exemple de Iron Man, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a une armure ultra stylée, blindée de technologie, et lui, en réalité, il est juste blindé de thunes. Et c'est juste ça, son pouvoir. Pour m'aider dans cette quête, j'invoque... Je vous ai dit que j'adorais ce son. On va pas parler non plus des parfaits cosplayers, parce que quand on voit arriver un mec avec les collants de sa mère, son slip par-dessus et une bande d'abdos, là, dessinée sur une vieille planche de fer rouillée, non, non, non et non, non. T'es pas un cosplay de Batman, crois-moi, non. Si Batman avait réellement existé, il aurait fait une exception à sa règle première et tu serais passé sous les roues de la Batmobile pour te faire battre, défoncer la gueule. Oh, on vous a jamais parlé du guide du petit héros ? Je vous le file. Pour devenir un super-héros, c'est très simple. Il faut être un peu gentil, penser aux autres, tout ça, vous allez me dire c'est la base du super-héros, mais je vous dirais que non, parce qu'il faut être aussi un peu connard pour sauver une vie en particulier, on peut en défoncer plein d'autres, il n'y a pas de problème, il faut être très beau, à la star de Superman par exemple, ou très moche, à la star de toi, jeune auditeur. Non, plus sérieusement, on peut par exemple citer Deadpool, mais il faut surtout savoir se battre, ou alors invoquer n'importe quoi pour prétexter savoir se battre, parce que quand une araignée vous pique, vous savez vous battre, évidemment. Et vous vous dites que là, on a tout pour être un super-héros digne d'Hollywood. Eh ben non, il manque encore un truc ultime, le costume. Alors là, il y a deux écoles, soit une grosse armure bien stylée, mais que si tu la portais en vrai, bah tu pourrais pas bouger, soit une combinaison ultra moulante qui te protège pas du tout. Donc au choix, est-ce que tu veux mourir paraplégique ou en moule-burne ? Donc Yann, t'es venu en costume, hein ? Yann est venu en costume et il a pas choisi l'armure, ça c'est sûr. Ce qu'on aime tant voir au ciné et ce qu'on idolâtre pour beaucoup, c'est ça. C'est des hommes en costume moule-burne. Et on rêve de leur ressembler. Après trois pintes, on pense pouvoir faire comme eux, on pense pouvoir sauver la Terre, et honnêtement, je sais pas où ils vivent, mais la police doit être super super sympa avec eux. Mais vraiment, essaye de mettre un costume et de sortir la nuit pour sauver la veuve et l'orphelin. À mon avis, on va te prendre pour un gros taré et tu risques plus de finir au poste qu'autre chose. Alors oui, je casse vos rêves et honnêtement, je m'en fous. J'ai envie de vous dire, s'ils existaient réellement, ce serait du grand n'importe quoi. L'espérance de vie serait redescendue à 35 ans et non, c'est pas de la folie. Donc je finirai avec ce magnifique jeu de mots. This is murder. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Merci Raph, on va donner tes coordonnées à tes nouveaux ennemis. En attendant, on se retrouve juste après ça. Ladies and gentlemen, please welcome. C'est quoi ça? L'actu ciné. On va parler des Oscars, oui. Ah. Mais rassurez-vous, on va pas parler de toute la cérémonie. 4 heures, c'est long. Je croyais de tous les mecs qui s'appellent Oscar. Mais seulement les récompenses majeures et celles qui font un peu polémique. On va voir si c'est mérité ou pas. Alors, Oscar du meilleur film, Moonlight. Et malheureusement pas La La Land. Mérité ou pas, selon vous? Pas mérité. Pourquoi? J'ai détesté ce film. Il se passe rien. Moi, je fais partie de cette caste de gens qui aiment quand un plan, quand il est fait, il a une heure, il sert quelque chose. Alors là, il y a des tas de plans dans ce film. Genre, à un moment, il reste 4-5 secondes sur une casserole qui est en train de faire bouillir de l'eau dans sur une gazinière. Ça ne sert à rien, ça ne sert pas le film. Et on a vraiment l'impression que le mec, il filme des plans juste pour donner des temps aux spectateurs à réfléchir sur la situation. Mais enfin, que c'est trop cher, c'est trop voulu, quoi. C'est trop annoncé. Donc toi, tu aurait donné directement à La La Land. Oui. Alors ça, j'ai pas entendu, c'est l'Oscar de... L'Oscar du meilleur film. Du meilleur film, ah oui, d'accord. Moonlight. Mm. Sinon, il y avait dans la catégorie Oscar du meilleur film, il aurait pu aller à Premier Contact de Denis Villeneuve, ou Tu ne tueras point de Mel Gibson. J'avoue que Premier Contact, quand même, c'est vraiment... J'ai vraiment aimé ce film. Moi. Après, Denis Villeneuve, voilà, c'est le premier que je regarde de lui, il avait fait Sicario avant, et il va s'attaquer à Blade Runner 2, bon courage garçon. Hein. Oui, et à Dune après. Et à Dune après, voilà. Enfin, il faut juste rappeler que Oscar du meilleur film aux États-Unis, ça sous-entend Oscar du meilleur producteur, ouais. Et pas Oscar du film le plus sympa. C'est justement l'Oscar du meilleur réalisateur qui a été cette fois-ci donné à La La Land, qui est justement l'Oscar du meilleur film, entre guillemets, quoi. Oui, c'est l'Oscar pour celui qui a le mieux fait un film, mais c'est pas son film qui a gagné. C'est ça. Ouais, voilà. Donc lui, il a bien eu l'Oscar, il n'y a pas eu d'erreur. Cette fois-ci, c'est La La Land qui a été meilleur réalisateur. Et mérité ou pas? On rappelle que le réal Damien Chazelle, c'est celui de Whiplash. Moi, je ne l'ai pas vu, La La Land, alors. La sirène. Alors, pour le coup, ouais, j'ai vraiment pas vu La La Land non plus, mais il paraît que ça chante. C'est ça. Non, c'est une comédie musicale. À ce qu'on m'a dit, en tout cas, et à ce que j'ai vu quelques extraits, etc., ça avait l'air d'être bien Fred bien avait, réalisé. Le mois dernier, dit le plus grand bien du film. Réellement bien. Alors, voir une comédie musicale, c'est aussi l'écouter. Moi, pour info, je n'ai pas vu le film, mais j'écoute la BO depuis quelques temps déjà. Cette BO est juste géniale. Alors, c'est sûr, ça me donne envie de voir le film maintenant. Mais on peut aimer un film que pour sa musique. Alors moi, pour le coup, j'ai vu le film et vraiment, la musique est déjà incroyable, c'est sûr. Et en termes de réalisation, c'est super. C'est super. C'est pas trop axé sur la comédie musicale, donc c'est pas barbant. Il y a une histoire qui reste quand même, malgré tout, très simple et presque cliché, mais ça passe super bien, c'est carrément bien fait. Ryan Gosling, il est incroyable. Emma Stone, elle est fabuleuse comme tout le temps. Ah, Emma Stone. Pas Watson. Ouais, j'ai voulu dire Emma Watson. Oui, voilà. L'histoire, rapidement résumée. C'est très... C'est l'histoire d'amour, non? Oui, c'est une histoire d'amour. Une fille qui est actrice et qui cherche des petits rôles un peu partout où elle peut dans Hollywood, qui essaie de faire carrière, quoi. Et un musicien de jazz, pareil, à Los Angeles, qui essaie d'ouvrir son club alors que le jazz est sur la pente descendante. C'est un peu ton histoire, en fait. C'est un petit peu mon histoire, ouais. Avec la fille du Pila. Ça va nous faire une comédie musicale, ça va être ça. Je suis à deux doigts d'avoir le talent pour faire ça. La Pila, ça. Bon, on enchaîne meilleur acteur, Casey Affleck, le frère de Batman, pour le coup, de Ben Affleck, pour son film et Manchester de by the Sea. Il faut pas l'oublier, ça aussi. pour son film Manchester by the Sea, est-ce que, selon vous, je sais pas si vous avez vu le film, mais vous avez sûrement vu d'autres films avec Casey Affleck, est-ce que c'est mérité qu'il ait eu l'Oscar du meilleur acteur? Moi, je l'aime bien, ce mec. Il a un jeu qui est un peu spécial, en fait. Je me rappelle de lui dans Jesse James avec Brad Pitt, où il est vraiment excellent, et c'est pas du tout le même délire que son frère. Donc, oui, je lui ai un Oscar, pourquoi pas, ouais, même si j'ai pas du tout vu le film, et peut-être qu'il fait de la merde dedans, et à ce moment-là, je raconte de la merde en ce moment même. Et on termine par un sujet qui a fait polémique énormément. Le meilleur film d'animation est allé à Zootopie des studios Disney, alors qu'en lice, il y avait Kubo et l'armoire et Ma vie de courgette. Honnêtement, après, moi, c'est personnel, mais Disney, ça va, hein, ils en ont vraiment des Oscars au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes. Même si Zootopie, honnêtement, celui-ci, il va quand même dans un nouvel ère de Disney. Il y a des thèmes qui sont abordés de fond, qui ne parlent pas au jeune public, mais qui nous parlent à nous et peut-être aux adultes, parce qu'ils traitent de sujets de la société actuelle, le racisme. Bah, il y a énormément de... Bon, je ne vais pas me détailler le film non plus. Mais par contre, Kubo, c'est les studios Leica. Je ne sais pas si c'est des studios français, Leica. Ils ont fait des films comme Coraline, tout ça, c'est du stop motion, hein, en fait. Hein. Il y a vraiment un talent de ouf. Hein. Leica, c'est le fabricant d'appareils photo. Non, je parle du studio, Leica. Mais contre, c'est possible, tu sais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Ma vie de courgette est un film français. Ah oui, bah oui, du coup. Avec un titre pareil. Alors, celui-ci, par contre, je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai que. Pareil que le 2, c'est sur les poireaux. Après, c'est vrai que Kubo en lui-même, bah pareil, musicalement, ça déchire. Visuellement, il y a un travail de stop motion qui est l'illusion limite de l'image de synthèse. Alors, je pense que c'est un petit peu mélangé les deux. Tu peux nous rappeler ce que c'est le stop motion ? Le stop motion, bah, c'est tous ces films comme, je sais pas si tu connais Chicken Run, tous ces films où en fait, voilà, c'est Gromit, c'est des images successives en fait qui font une animation quand on prend des. Je crois que c'est par photo, hein, c'est pas. Oui, c'est pas filmé. Comme les films en pâte à modeler quoi. Voilà, en gros. Sauf que là, honnêtement, déjà, je l'ai pas vu en 3D, j'aurais aimé parce que ça aurait donné encore plus de réalisme. Mais l'aspect maquette aurait été un peu plus prononcé. Mais je vous le conseille vraiment, Kubo. J'ai pas vu le dernier Ma vie de cuisinier. Ma vie de courgette. Courgette, voilà. Mais en tout cas, ma vie de cuisinier. Ça s'appelle Ratatouille. Mais je conseille aussi Zootopie, hein, qui est très très bon aussi. Alors on termine par l'affaire des Oscars pour Batman vs Superman et pour Suicide Squad, vu qu'on parlait des super-héros. Batman vs Superman, 4 ou 5 Razzie Awards. Et Suicide Squad, Oscar du meilleur maquillage. Là, le truc des Razzie Awards, bah, ils ont leur victime déjà avant que le film sorte. Et ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Tu leur dis Ben Affleck, il est aux Razzie Awards. Peu importe. Merci. Peu importe si 6 mois plus tard, Ben Affleck, il est dans le meilleur film de tous les temps et qu'il réalise la meilleure performance de tous les temps, il sera aux Razzie Awards. Ils en ont rien à foutre, en fait. Je trouve pas que Batman versus Superman soit si mauvais que ça et que lui soit si mauvais dedans. Alors, pour le coup, vraiment, Je l'ai foncé dans la chronique, mais j'ai moyennement aimé le film parce que j'avais des attentes pour le coup de vraiment Batman versus Superman. Ouais, et comme en fait, tout le monde. Vraiment, Batman versus Superman dure 10 minutes dans le film en soi. Et genre, alors, c'est 2 heures t'as et quelques... Quel film t'as dit? Non, mais je veux dire, vraiment le. Allez, non, vraiment, le battle entre les deux dure vraiment rien dans le film et je trouve qu'en fait c'est même pas le propos du film quoi. Ouais, enfin, ça rentrait pas sur l'affiche le Batman versus Superman, mais après ils sont copains et non, puis mais il y a Doomsday. Je veux dire, vraiment, c'est un truc, j'ai été, ouais, et puis la solution de secours, enfin, il y a eu après, plusieurs c'est trucs. C'est un film de Snyder aussi, hein. Les films de Zack Snyder, ils sont quand même bien différents de ceux qu'on connaît, bah, justement, de Marvel ou même des autres DC. Il y a sa marque hein, vraiment qui est dans ce film et qui Il y a eu des trucs qui m'ont gêné, moi, genre la solution. Bah justement de la Martha bah pourquoi pas en fait ça, beau, mais moi, ça marche en, ça très beau en soi, bah, ouais. En soi ça marche parce que les mères tout ça, mais je trouve que ça a été trop vite, enfin le changement de, bah, de rapport trop médiatisé. T'es mon ennemi, trop, t'es mon meilleur c'est copain, ça et, ouais. C'est extrêmement rapide, c'est à dire qu'il se passe 5 minutes avant que le mec dise ah ouais ta mère s'appelle comme la mienne, on c'était est amis. En fait, plus compliqué dans le film, moi, dans le comique dérangé. De Frank Miller déjà dans The Dark Knight, il aurait pris vraiment sur ces 2 heures et quelques, il aurait pris 10 minutes de plus pour allonger un peu le rapport. Tu peux aller jusqu'à 3 heures même avec la version mais, ouais. Mais je veux dire vraiment il aurait pris plus de temps, je pense que ça aurait mieux marché. Alors on rappelle aussi de l'autre côté que Suicide Squad lui a eu Oscar du meilleur maquillage. Je savais même pas que ça existait. Bah si, à la limite tu m'aurais dit ça pour le Hobbit, ouais, le Seigneur des Anneaux. Ça m'a pas choqué ça. Suicide Squad est un film de super-héros oscarisé, celui-là plus qu'un autre. C'est des super-vilains d'abord, c'est pas des super-héros dans Suicide Squad. Ah oui, c'est vilain, oui, ça je confirme, c'est très très très vilain. Alors récompensé Harley Quinn parce qu'elle a un déguisement de. Ah parce oui, qu'elle se change dans le film. Une couette rose, une couette bleue, c'est ouais, c'est maquillage, c'est. Bah Joker est plus maquillé même encore. Juste pour répondre à Thibaut, moi Suicide Squad, je l'ai vraiment apprécié. Ce film-là était génial pour m'endormir. C'est vrai, mais tu vois, tout le monde m'a dit ah c'est de la merde, c'est de la et merde. Et vous avez pas vu la version longue. Ça lui rend pas honneur hein, parce que et c'est ils vraiment raison. Vraiment de la merde. Bah il y en a qui critiquaient surtout les acteurs, c'est vrai que par exemple Will Smith, comme il y en a qui beaucoup qui le disent, je suis assez d'accord, il fait du Will Smith dans ce film, c'est vraiment son jeu d'acteur. On l'a vu et revu. Peut-être qu'on aurait préféré voir un peu des acteurs différents, ça aurait changé. Will Smith, il faut que ce soit le héros. Oui, ça c'est sûr. Après, il y a pas beaucoup d'acteurs comme Bruce Willis qui a pu faire des films où il était sciemment le méchant. Will Smith, tu veux dire Bruce Willis, oui, tu veux dire Bruce Willis, oui. Comme Bruce dans Willis. Le Chacal. Oui, comme dans Le Chacal. Il a joué dans un DC, Bruce Willis, c'était Red, je crois. Oui. C'est DC Comics, hein. Il est dans Red, oui. Ouais. Malheureusement, il est dans Red. Bon, on termine notre sujet sur les super-héros avec notre film du mois, c'est-à-dire Logan. Pour ceux qui l'ont vu, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il est violent. Terrible. Très violent. Terriblement violent, donc. J'ai énormément aimé ce film. Et pour ma part, ça m'a fait plaisir de voir un film de super-héros qui sort un peu des sentiers battus, où on n'a pas les carcans habituels, et puis même les... Je sais pas, où tout est très calculé, je trouve, très prévisible dans les films de super-héros habituellement. Là, ils essayaient un peu d'aller, je sais pas, dans un côté esthétique plus marqué. Il y a vraiment une patte, en fait, pour ce film, quoi. Je pense que... Alors, est-ce que la violence est nécessaire ou pas ? Moi, je pense que oui, pour le coup, ça serait bien. Du coup, ça tranche, justement, je trouve, avec ces belles images et cette esthétique hyper, hyper marquée. Et d'un coup, on a des grosses tranchettes et des têtes qui partent dans tous les sens. Du coup, ça fait un décalage, je trouve, qui donne encore plus de... qui t'attaque encore plus, quoi. On dit tout dans les allumés, hein. Entre nous, dans l'équipe interne, il y a eu une toute petite polémique entre deux personnes des allumés, entre Fred, pour ne pas le citer, le cinémateur, comprenait pas pourquoi ce film était interdit au moins de 16 ans. Il pensait que c'était... 12, pardon. Et qu'il pensait que justement il aurait fallu l'interdire au moins de 16 ans et notre chère amie Morgane qui elle ne partageait pas cet avis qui de son côté... Ça se discute de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui le problème de fond c'était film interdit au moins de 12 ans, est-ce que c'est pas un peu on aurait dû mettre 16, oui. Que, voilà. Et ce que disait Morgane et c'est pour ça que je parle de cette petite anecdote et que je pense aussi, qui est important, c'est que, et je savais pas avant de lire Morgane, c'est que interdire un film à plus de 16 ans serait plus cher à la société de production que de l'interdire au moins de 12 ans. Explique. Et que du coup, ça est moins rentable. Ça serait une beaucoup moins rentable. Une c'est raison, pour ouais. ça que la plupart des films de super-héros, justement, les deux autres Wolverine, c'est des mascarades, quoi. Le personnage, il est extrêmement violent et on se retrouve avec des films PG-13, tout merdique en fait. Et là, ils y sont allés à fond, justement. Ils n'ont pas voulu le PG-13 pour celui-là. Ils ont voulu un rated R pour finir la saga, quoi. Est-ce que justement c'est le meilleur film de la saga ? En tout cas, c'est celui où Hugh Jackman est le meilleur. Ouais, clairement. Et est-ce que c'est le meilleur film de super-héros de l'année ? Pour l'instant, 2017, oui. On a eu quoi là ? Ouais. Pour l'instant, Iron Fist ? Non. On n'a pas eu grand-chose en fait. Les mecs qui prennent des risques, quoi, c'est le meilleur pour le moment. C'est le meilleur. J'en profite, tu cites cette série de Netflix. Je suis le seul qui ait trouvé ça bizarre comme nom, Iron Fist. Bah, c'est oui. Désolé pour lui. Rigole pas, Yann, c'est vraiment le nom de la série. Je sais bien. Elle n'est pas sponsorisée par Jacques et Michel. Hein, J'espère. Bon, en tout cas, on arrive petit à petit vers la fin de tout ce MCU là. Enfin, on commence vraiment à rentrer dans le concret là. Parce qu'avant, on se disait, ah, bon, il y aura qui comme super-héros, il y aura qui. Là, je crois qu'on a fini par savoir vraiment tout ce qu'on avait à savoir. Et on attend Infinity War du coup, un jour. Oui, peut-être. Histoire d'être bien déçu. Ça serait con quand même. Hein. Tout ça pour ça, tu vois. Ce serait con, mais c'est tellement réalisable. C'est possible. On n'attend pas encore Ian Ritter et l'Iron Ass. Non, Kick-Ass. Kick-Ass. Je releverai même pas. En attendant, on va parler d'un ami. Ah ouais ? Ouais, tu vas voir. Les dossiers désallumés. Ce mois-ci, on va rendre hommage à de grands messieurs. Tu auras l'avantage sur eux. Tu seras plus fort et plus rapide. Qu'est-ce que tu essaies de me dire ? Que je pourrais éviter leurs balles ? Non, Néo. Ce que je veux dire, c'est que lorsque tu seras prêt, tu ne les sentiras plus. Ah, Morpheus. On va parler de Keanu Reeves et de Laurence Fishburne. Non, plutôt de Jean-Pierre Michael et Pascal Renwick. Quoi ? Eh oui, on va parler doublage de films et pour évoquer la question, on a trouvé un spécialiste. Ça existe, un spécialiste de ça ? Eh oui, vous ne connaissez très certainement pas son nom, sûrement plus son travail. Morgan réalise sur sa page Facebook et sur YouTube des compilations regroupant les meilleures performances de certains grands noms du doublage. Mais ça, c'est lui qui en parle le mieux. Alors les compilations, ça m'est venu l'idée d'un youtubeur qui avait fait une compilation sur Richard Darbois. Et c'est de là que m'est venue l'idée de, on va pas dire copier, mais de m'approprier un petit peu le style de montage basique, voilà. C'est du movie maker, mais ça reste simple et ça reste sympa à la fois, puisque ça permet juste de mettre une quantité d'extraits. Et après, bon, on finit par rentrer dedans et à se dire, ah mais oui, il a doublé dans tel film. Donc, voilà, ça part un petit peu de là. Des comédiens faisant du doublage, il y en a beaucoup. De Daniel Beretta, célèbre voix de Schwarzenegger. Je le prends surtout pas mal. Mais tu es un Terminator, pas vrai ? Oui. Système Cyberdyne, modèle 101. Je suis un organisme cybernétique, un endosquelette de métal sous du tissu charnel. Ah, Brigitte Lecordier. Mais je crois que là, je n'ai pas vraiment besoin de préciser son personnage fétiche. Nuage magique ! J'ai donc demandé à Morgan comment et sur quels critères il choisissait les sujets de ses compilations. Nuage magique ! Non, c'est que je l'aime bien. Ça dépend. En fait, ça peut venir d'un petit coup de cœur où je me dis, oh mon dieu, j'adore ce comédien, j'aimerais tellement faire une compil sur lui un jour. Ou alors, c'est des gens qui me suggèrent des comédiens, mais bon, ça c'est plus rare parce que ça fonctionne pas à tous les coups. Parce que si t'as rien sur le comédien, ben. Donc, tu cherches dans les archives d'abord. Je m'intéresse toujours à voir le comédien à l'écran, c'est la priorité. Sinon, ben, la compilation ne peut pas se faire. À proprement parler, moi je m'intéresse que à ceux qui font du doublage. Après, oui, ils ont toujours d'autres activités à côté. Évidemment, le théâtre, la radio, ils font beaucoup, voilà, de la publicité, des voix off. Comme le disent certains comédiens, c'est pas quelque chose à part. On est comédien, comédie, et après peut-être qu'on fera du doublage. T'adores ce son, hein. Ah, mais je le récite tellement bien. Ah, j'ai bien fait de le mettre, hein, celui-là. Si vous vous demandez le temps que ça prend pour réaliser ce travail, autant vous dire que la patience de Morgane est parfois... Pas longtemps, c'est deux boutons appuyés. Et parfois mise à rude épreuve. Et la question auquel je peux pas donner vraiment de réponse, parce qu'une compilation peut s'effectuer soit sous deux jours, soit... en une semaine ou en un mois, limite. Ça dépend, en fait. Il y a matière à faire. Si j'ai déjà du dossier, je vais dire que ça fonctionne plus rapidement, voilà, parce que par contre, si j'ai rien du tout, là, oui, ça va prendre du temps. Et je peux dire que celle qui m'a donné le plus de temps, j'ai mis... presque un an à la faire, et c'est celle sur Claude Chantal, et j'ai vraiment galéré pour la faire. Vous pouvez retrouver Morgane et son travail colossal sur sa page Facebook Le Monde du Doublage Français et sur YouTube. Alors messieurs, VF ou VO ? VF. Si la VO est disponible, VO, bien VF. Sûr. Je préfère la VO aussi, mais des fois, on est très très attaché à une VF depuis qu'on est gamin, elle a beau être moins bien, c'est pas pareil quoi. Les Goonies, je l'ai jamais vu en VO et j'en ai rien à foutre. For myself, I prefer the French version. VF pour What moi... What you say ? C'est vraiment très spécial. Je trouve que pour certains films d'animation, la VF fait gagner vraiment d'un truc au film, quoi. Je pense au Disney, Aladdin, toute cette génération, Le Roi Lion et tout. Pour avoir écouté les VO, bah, je les trouve 100 fois mieux en VF, quoi. Alors, justement, là, ce Sky, il est intéressant parce que, justement, pour parler de Disney, les jeux de Kingdom Hearts sont des jeux de Disney, justement. Bah, là, le problème, c'est qu'ils sont ressortis sur PlayStation 3 et 4. Mais c'est dans les voix anglaises. Et c'est vrai que bon, quand on connaît vraiment nos voix de Disney, là j'avoue que ouais. Une petite VF ça passe mieux. C'est sentimental quoi. Oui. Et vous avez pas entendu la version québécoise de certains Disney ? Non, on n'a pas téléchargé le film. Autant vous le dire tout de suite. Restons sur les mots et pour bien conclure l'émission, on va savoir tout de suite qui aura les mots de la fin. Les mots de la fin. Les mots de la fin, c'est le nouveau jeu qui viendra conclure l'émission. Et c'est très simple, enfin j'espère. Un auditeur choisit l'un d'entre vous et vous devez lui faire deviner trois mots. Jusque-là, tout va bien, j'espère. Ouais. Alors on dit tout de suite que Raphaël n'est plus choisissable. C'est ça, voilà, j'ai déjà joué pour ma part. Seulement, vous n'avez que 6 mots indices pour cela et 30 secondes et vous avez des termes interdits. C'est compris ? Tout le monde a compris non, là ? Non, j'ai rien compris. On a un auditeur en ligne, je crois. Oui, bonjour, bonjour. Qui avons-nous en ligne ? Qui es-tu ? Je suis Jérémy, j'ai 24 ans et voilà. Et tu connais quelqu'un des allumés ? Alors, il faudrait faire une petite présentation rapide, je pense. Oui. Alors, en studio, on a Thibaut, Maxime, nos invités, notre ingénieur du son préféré, Benoît et Raphaël. Qui n'est plus choisissable. Ouais. Et bien sûr, tu ne peux pas prendre Yann, étant donné que c'est lui qui a fait les questions, il connaît les réponses, ça ne marche pas. C'est bien dommage. En très clair, il y a le choix entre Thibaut, Maxime, Benoît, Adrien ou Thibaut. Un autre Thibaut. Ça s'est pas entendu du tout que tu te rappelais plus comment s'appelait l'invité. Exactement. C'est cool. Je ferai un petit... Ouais, je ferai ça, ouais. Bien joué. Alors, qui choisis-tu ? Moi, je te conseillerais de prendre Thibaut si tu veux gagner le film, et moi si tu veux pas le gagner. Eh ben, je vais prendre Maxime. Ah bah voilà, moi je voulais pas être choisi, je me suis dit si je me tais, Maxime, il va pas m'entendre, il va pas m'oublier. Les mots alors, à faire deviner. Eh ben, alors, donc... Attends, je fais le chrono. Bah, ce qu'il faudrait pas que je dise le mot d'un coup, quoi. Faut pas dire le mot, et t'as des mots interdits. Donc c'est ces trois-là, on est d'accord. Voilà, commence par le premier, déjà. Alors, comment tu le ferais deviner ? Pays magique. Pardon, j'entends un petit peu mal, je suis désolé. Je disais pays magique. Pays magique. Non, pays, un pays comme le pays. Un pays. La France le est pays un pays. Imaginaire. Pays imaginaire. Donc je me souviens. Utopia. Continue. Un mot. Un autre mot. Crochet. Ah, putain. Bah, Peter Pan. Oui. Voilà, deuxième mot. Deuxième mot. Je peux chanter ? Non, parce que je connais non, le thème du non, jeu. Non. Naughty Dog. Jeu vidéo Naughty Dog. Crash Bandicoot. Presque. Bandicoot. Alors écoute-moi bien. Non, c'est pas celui-là. Ouf. Qu'est-ce qu'on va dire ? Trésor ? Ah, facile. Énigme, trésor. Jack and Dexter ? Non. Tomb Raider. Tu le fais exprès. Mais il va dire tous les jeux de Naughty Dog. Uncharted. Oui. Gagné. Ensuite, là, c'est plus chaud. Ouais, un peu. Horreur, neige. La Reine des Neiges. Resident Evil. Presque. Presque. Policière. Policière. Oui. Non, là, j'ai pas. Sirène. Une sirène. Pas la sirène dans l'eau. Merde. Celle des pompiers. Celle des pompiers, des ambulances, une sirène, un gyro, une sirène. Comment il s'appelle ce... Comment il s'appelle ce foutu... Alors, ce film et ce jeu... Petit interdit. Les deux. Et t'as dit les mots interdits, mais là. J'ai pas vu. C'est l'autre qui m'a... C'est-à-dire que l'auditeur... Mais il avait dit film, il avait dit film, déjà. Alors, je devais pas lui interdire. Ah, s'il l'a dit avant, ouais. Non, j'ai pas, là. Là, je sèche. Donc, je donne la réponse. C'était Silent Hill. Ah, putain, mais oui, mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais quel con, mais c'est perdu. Mais oui, bah oui. Et oui. Alors, c'est à vous de choisir si c'est perdu ou gagné, en fait. Parce que comme il a eu deux bonnes réponses, est-ce qu'on est gentil ou pas? Ah, c'est vrai que c'était pas... Surtout que, bah, il était dans Resident Evil, donc il avait vite compris le truc horreur, machin. Moi, je serais gentil. Mais les autres le sont pas, peut-être. Si on dit qu'il perd, est-ce qu'on peut récupérer son cadeau? Ça dépend ce que c'est. C'est négociable. Alors, il doit deviner ce que c'est. Alors... C'est un DVD collector de Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit. Oh, il a gagné, c'est bon. Il a trouvé. On lui offre. Merci. On lui offre. On lui offre. On t'offre un DVD. Allez. C'est gagné pour toi. Eh ben, merci beaucoup, l'équipe. La fin de l'émission approche et il est temps de revenir un peu sur nos invités qui sont tout en panique là. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, où est-ce qu'on peut nous retrouver? En fait, c'est des potentielles dates qui n'existent pas encore. Mais éventuellement, le 21 juin, on jouera normalement à Chazelles-sur-Lyon dans une salle dont on ne connaît pas le nom parce qu'on est vraiment des branlots. Mais sinon, je voulais en profiter pour faire la promo d'une salle qui nous a accueillis deux fois cette année, que vous connaissez peut-être. C'est la seule salle à Saint-Etienne qui propose tous les soirs des concerts. La Tanière. Oui. Vous connaissez? Oui, oui. Voilà. Il y a eu un truc de métal il n'y a pas longtemps, je crois, là-bas. À vrai, dire, il y a des trucs de tout le temps. De toute façon, vraiment, c'est musique de marginaux. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des trucs souvent à Saint-Etienne, un petit peu. Ouais. Vraiment, c'est la seule salle qui propose ça. C'est rue de la Richlandière. Ouais. Tout à fait. Vers le parc Giron, si vous connaissez, c'était l'Assommoir avant. Et oui, on parle de cette salle parce qu'ils nous ont accueillis deux fois et on risque peut-être d'y jouer encore cette année, on ne sait pas encore quand. Mais pour suivre nos dates, messieurs, dames. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. On met à jour nos actualités toutes les semaines à peu près. On communique sur ce qu'on fait. Et les termes de projet, vos futurs projets, est-ce qu'il y a des chansons qui vont être bientôt enregistrées, des EP, un album, quelque chose? Alors ça coûte très cher de faire ça. Voilà, alors on a participé à un tremplin il y a deux semaines là, à Saint-Etienne, tremplin jeune talent Saint-Stéphanois. On attend les résultats pour savoir si on peut jouer à la finale au fil, ça se passera au mois de mai, donc c'est une de nos dates potentielles. Et selon si on est pris pour cette finale et si on est bien placé à la finale, on aura possibilité d'aller en studio ou de passer du temps pour enregistrer un EP ou un album. Donc c'est un de nos projets futurs, on attend soit d'avoir l'occasion, soit d'avoir... Bah déjà vous avez de la matière hein, à la base. Hein. Ouais, on a la matière, on a un peu de matière, on a ce qu'il faut. Et si jamais nos chansons vous plaisent, les deux seules chansons qu'il y a sur YouTube, vous nous envoyez un petit mail et nous on vous envoie les versions masterisées et complètes entre guillemets. À quelle adresse sont pas on envoie le mail? Alors vous envoyez à l'adresse nurseseofficiel@outlook.com. C'est pas du tout sûr que ce soit ça. Non, mais sur Facebook, sur Facebook vous pouvez nous envoyer un petit message sur le nom de votre page Facebook pour être sûr. Nurses, N-U-R-S-E-S. On peut pas faire plus simple. Et si vous trouvez pas, mettez Nurses Saint-Etienne. En général, Facebook, ce merveilleux avec outil un Z social. À la fin. Ouais, Nurses. Si les versions des masters, on s'en fout complètement, mais c'est les trois nanas qui nous intéressent. Est-ce qu'on peut avoir leur numéro de téléphone? Non, c'est non négociable. Bon, si on peut se débrouiller, on peut trop. Tant pis. Un dernier mot, messieurs. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Merci. C'est super, on adore votre émission. Les animés, c'est cool. Yann a eu chaud parce que la première émission, quand il a demandé un dernier mot, peut-être, l'invité a eu ce trait de génie. Raph, je te laisse le dire. Non, j'ai oublié. Bit. Prout. mais ça, je crois que ça vient d'une vidéo YouTube. Oui. De KD Olivier. C'était pas eux, c'est vraiment très récent avec le Golden Moustache en fait. Mais bon. Parce qu'il faisait ça dans le Camoulox. Il faisait dans le Camoulox. Un dernier mot, endive. C'est ça. Bon, c'est là-dessus qu'on se quitte sur un grand Camoulox. C'était la deuxième émission des Allumés. On remercie Benoît pour la réalisation de l'émission, l'équipe d'RCF Loire et bien sûr nos invités, les Nurses, pour leur présence. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Snapchat avec le pseudo Les Allumés, tout attaché, sans accent. Voilà, on poste régulièrement les coulisses, les émissions, on annonce les prochaines émissions, on vous tient au courant. En tout cas, on essaye. Et on peut être aussi écouté sur SoundCloud. Exact. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, comme dit la vie prank, jouez bien, jouez intelligent, jouez avec les mains et pas avec les dents. À la prochaine. We'll be right back.